Mia Bella, suis-moi qu'on se voit de loin d'ici, je te veux pour la vida. Seras-tu là à affronter nos ennuis, réponds-moi, Mia Bella. Seras-tu celle qui m'aimera à vie, oh Mia Bella. Oh oui, faudra que tu me lèves la tête si tout va mal. Vu que tu sens mon alter ego, je suis fier d'avoir trouvé la perle qui est devant moi. J'apprécie même tes défauts, dis-moi tout, oh Mia Bella. Dis-moi tout, dis-moi ti amo, et face à la guerre, faut pas qu'on se dise arrivederci. Arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivederci. Arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivederci. J'ai baissé les armes sans aucun remords. Quand j'ai vu ton âme scintiller comme l'or, on le sait qu'on passera du rire aux larmes. A chaque épreuve, nous devons redoubler d'efforts. T'inquiète pas, en cas de blême, je suis là. Si tu veux te confier, je suis là. Si tu veux effacer tes chagrins, je suis là. Si t'as besoin de moi, dans tous les cas, je suis là. Faudra que tu me lèves la tête si tout va mal. Je veux que tu sois mon alter ego. Je suis fier d'avoir trouvé la perle qui est devant moi. J'apprécie même tes défauts. Dis-moi tout, oh Mia Bella, Bella. Dis-moi tout, dis-moi ti amo. Et face à la guerre, arrivederci. Arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivederci. Arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivé, arrivederci. Mia Bella, tu me donnes chaud, oh, oh. Tu es la seule qui me plaît, yeah, yeah. Mia Bella, tu me rends accro, oh, oh. Ta beauté me fait vriller, yeah, yeah. Mia Bella, tu me donnes chaud, oh, oh. T'es la seule qui me plaît, yeah, yeah. Mia Bella, tu me rends accro, oh, oh. Faut pas qu'on se dise arrivederci. Arrivé, arrivé.